écarte, qu'ils ratent et désartent, qu'ils les voient qu'on les tape, avant qu'une éclate en mille particules. Je reste le même, mais plus le rap se t'aime, tu le captes, il t'emmène, vu le taf que j'entraîne, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps, donc j'arrive comme insultant. Calvin rate le reine en impro, ça devient insultant. J'arrive et je le culte, adulte, tu sais que le hip-hop c'est mon culte, je reste sur le cul. And that's the culture, well before I go and do it, maintain the real. Everything I say, I spew it, acid, spit it, young Terminator, Oscar Schwarzenegger, do the damn thing, Artique, bring the flow. On m'a dit que c'était impro, putain, tu peux compter sur moi. J'arrive toujours, style fou, qu'on appellerait même le surnoi. Ok, je suis sûr de toi, sûr de toi. Moi, je suis Al, représente ton microphone. Et pour toi, je lâche une spéciale. T'inquiète, c'est localisé, j'espère que tu me localises. J'arrive encore et une petite dédicace à Alice. T'inquiète que je suis sur le beat et ça glisse. Calvin Ralph Lauren, ouais, t'inquiète, c'est par église. Big shot to Raheem, big shout out to Chronic, big shout out to Kira and Chantel who rock a big shot to my man Aladoum and Brahe. My man Artie gonna beat, he get fostering. Un flow que tu croirais venu d'ailleurs. Je dédicace pour ma white team et pour mes potes de l'outsider. Science vibe aussi, donc j'en place une pour GID. Microphone, je vais tout niquer. Attends, je crois que j'ai une idée. La menthe, j'arrive religieuse comme la menthe. Calvin Ralph Lauren, faut pas que tu te lamentes. J'arrive, je viens juste représenter la meute. S'il te plaît, t'es mon pote, faut pas que tu me suces la huc. It's the end of the week, motherfuckers who don't know me. They be playing, hating on me like Sarkozy or Chacharac, Bomberclock, talking about you hot. Niggas cool as ice cream, Wubble Fly, yeah. Still rocks. Yeah, Boston, Scarton, Fraxon, The Beat. Tout ce que j'ai au mind pour attirer le maximum. Appelle-moi Artie qui détient mec le sérum. Qui teste avec quoi, putain je te retourne et je te kiffe. Je viens de Seine-et-Marne, autant de haine que de hargne, de peine que de larmes. Et on aime aiguiser nos armes. Un stylo, une feuille, du bon dans la trousse. Du shit, une slim, sache que les lions vivent dans la brousse. We go on and on like Erykah Badu. Wubble Fly, the lyricist, still rapping for that crew. Yo, Gov, that's the end of the week. Gonna hold it down every time we speak on these beats. Kill em. Rate des feuilles blanches depuis tout ce temps. Je m'y planche, m'accroche au rap comme à des branches. Même si longtemps de me débrancher, je pense que depuis 8 piges dans le son, j'aurais dû raccrocher. Le constat est flagrant et gloire, mais vite sans jamais s'approcher. J'arrive là, je suis bêta, je me craquerai pas une bêta. J'arrive en bécane avec la chat d'Abid Beckham. Toujours là, t'inquiète que tu vois mes cannes. Mais Calvin laisse la place, donc je me décale. This is the part where we all show love. When I say EO, y'all say dub. EO, dub, EO, dub. Yo,